dans l'archipel éloigné. Ici aux îles de la Madeleine, chuchotent les vagues et le vent, le bouleversement de longue date. Ils murmurent des secrets d'une époque, infiltration silencieuse et froide, un plan concerté depuis des lustres. Les ombres font leur promenade. C'est la grande pièce de théâtre. Tout est écrit sur le sable. Dans ce scénario bien tracé, bouleversement orchestré. Les âmes ici cherchent des réponses dans le silence, murmure d'écho. Les voix des anciens nous guident à travers l'histoire et mots. Un avenir voilé se transforme, les cœurs battent au rythme du passé, mais les espoirs renaissent encore dans cette symphonie planifiée. C'est la grande pièce de théâtre. Tout est écrit sur le sable. Dans ce scénario bien tracé, bouleversement orchestré. Un avenir voilé se transforme, les cœurs battent au rythme du passé, symphonie planifiée. C'est la grande pièce de théâtre. Tout est écrit sur le sable. Dans ce scénario bien tracé, bouleversement orchestré.